Des médias font part que des sous-marins nucléaires américains naviguent dans les environs de nos parages et le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a répondu le 3 septembre à la question du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit « Certains médias disent que des sous-marins nucléaires américains livrent en secret depuis l'année passée l'opération de détection de nos sous-marins stratégiques dans les parages internationaux voisins de notre pays dans la mer de l'Est de Corée. » Ils disent encore que la détection de nos sous-marins et le recueil des renseignements sont un fait évident, bien que les autorités militaires des États-Unis ne reconnaissent ni dénient. C'est une démarche qui aggrave davantage la situation dans la péninsule coréenne et qui perturbe la paix et la stabilité de la région. Comme au temps de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, la confrontation entre les sous-marins stratégiques porte un grand danger de déclencher une guerre nucléaire. Sous prétexte de détection des sous-marins stratégiques dans nos séquilles, les États-Unis envoient des sous-marins nucléaires dans les parages dangereux de la péninsule coréenne et du nord-est asiatique. Cela vise en réalité la Chine et la Russie, et c'est la révélation de l'intention sournoise d'obtenir la suprématie militaire et l'hégémonie dans la région. Face à une telle démarche militaire des États-Unis, les presses avertissent déjà la possibilité de l'Asie du nord-est de se laisser entraîner dans la course aux armements axés sur les sous-marins nucléaires. Il n'y a aucune garantie qu'une guerre nucléaire n'éclate au cas d'un conflit entre les sous-marins stratégiques des pays possesseurs du nucléaire dans la péninsule coréenne et les parages étroits de ses environs, où plane en permanence le danger d'une guerre nucléaire à cause des exercices militaires conjoints de nature agressive et de l'accroissement des armements des États-Unis. Nous pouvons répondre à toute méthode de guerre désirée par les États-Unis et ce pays sera entièrement responsable de toutes les conséquences catastrophiques.